canard est un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant, au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, c'est vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. D'efficacité, ou une vente. Bonsoir. Bonsoir, tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. On commence cette nouvelle aventure. Oui, 291e exactement. Radiophonique avec Zach de la Roca et Digging for Windows, là où Prophet of Rage fait un petit peu rire quand même. C'est vrai. Bah, lui, je ne sais pas ce que ça sera son album, mais en tout cas, là on rit pas quoi. Non. Hein, t'as, non. Ça semble à du rage, mais avec des machines. C'est du sérieux. Pour le coup. Bon, voilà, au programme ce soir. Album de la semaine. Mm-hmm. C'est bien. La revue de Korenko. Le fil rouge, toujours avec David Bowie. Oui. Tiens, on va vous causer un petit peu d'archives, par exemple. Par exemple. Hmm? Books on the Radio. Ouais, ce sera juste avant l'archive. Ouais. Il y a des nouveautés. Et puis, on commence tout doucement, mais sûrement, à mettre son nez dans des disques intéressants qu'il y a eu cette année, en 2016. D'accord. Voilà, donc on va se balader dans les nouveautés qui ne sont plus tout à fait nouvelles. Ah, moi j'ai plein de nouveautés. Hein. C'est vrai ? Ouais. On va se balader un petit peu, voilà. Mais il y a quand même l'une ou l'autre nouveauté, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, bien sûr. Ça n'aurait pas d'intérêt. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine. Mmh. On va traverser l'Atlantique. Mmh. Et on va partir de l'autre côté, pas chez nos voisins américains pour une fois, mmh. mais plutôt chez leurs voisins canadiens. Chez nos amis du CETA. C'est ça, ça tombe bien, ça tombait bien. Je trouvais ça assez ironique. Mmh. Et on va partir à Montréal exactement, avec le groupe Duchesse Says. Ah. Voilà. Et leur nouvel album Science Nouvelle. Ah. On dirait que tu attendais avec impatience. Ah ben, ouais. Un petit peu. Mmh. Alors, Duchesse Says, groupe formé en 2003, fin 2003, alors par Annie-Claude Deschênes, mm-hmm. voilà, qui est quand même connue pour ses prestations un peu folles, en tout cas sur scène. C'est ça. Voilà, un peu, légèrement. À la voix, au clavier, on retrouve Ismaël Tremblay, mm-hmm. guitariste et bassiste Philippe Clément. Mais... Oui. Et à la batterie, Simon Ben, ou Simon Says. Simon Says. Voilà. Vient de Duchesse Says. Mmh. Donc formé en 2003, c'est à peine leur troisième album. Ils prennent leur temps. Bah oui. Ils sont surtout beaucoup de side projects. Ouais, hein. C'est ça, il faut plein de projets à côté. Pipi, par exemple. Pai Pai. Pipi. Pai Pai. Ils ont fait pipi. Ils ont fait pipi. Si. Oui. C'était très bien d'ailleurs. C'était un album de la semaine, Pipi. Oui, tout à fait. C'était très bien comme morceau. Absolument. Comme album d'ailleurs. Absolument. Alors, premier album, c'était sorti en 2008. Donc, ils reprennent vraiment, vraiment bien leur temps. Et ça s'appelait Anthologie des Trois Perchoirs. Oui. Oui, je sais. Et en 2011, il sortait In a Fung Deity. C'est là qui. C'est vrai qu'ils ont explosé un petit peu, chez nous en tout cas. Par contre, à Montréal, ça faisait un petit moment qu'ils étaient quand même sur les scènes et qu'ils étaient reconnus pour leurs concerts un peu rocambolesques. Et sauvages. Et sauvages. Et sauvages. Très sauvages. Allez, extrait de cet album Science Nouvelle, on va écouter Negative Thoughts. Thank you. Negative Thoughts, extrait de l'album de la semaine Science Nouvelle de Duchesse Says. Miam. Miam, miam. Miam. Miam, miam. Ouais. Bah oui, quand même. Alors, Duchesse Says, ils font partie en fait d'une sorte d'église, figure-toi. Qui s'appelle, alors en anglais, The Church of Budgerigars, mm-hmm. ou l'église de la perruche. Voilà. Mm-hmm. Ça fait rire tout le monde, oui. Qui est un peu, je vais dire, le rock un peu débridé, qui montre sur scène. Il peut en être autrement. Et en fait, il regroupe ses adeptes autour du message de la perruche. C'est un petit peu bizarre et un petit peu occulte, mm-hmm. un truc. Mais aussi des vertus de la musique, ouais. forcément, et de la consommation d'alcool. Bon. Voilà. Alors, apparemment, ce serait Anne-Claude qui aurait trouvé des documents dans le grenier de sa grand-mère sur cette fameuse église de la perruche. Et donc, avec son groupe, à l'époque, en tout cas dans les années 90, puisqu'elle faisait, elle était en duo avec Ismaël pour un groupe électro, mmh. avant de se retrouver en quartet pour faire un groupe plutôt hardcore, en fait, punk hardcore, normal, avant de faire du Duchesse Says. Mmh. Et depuis le tout début, il prône l'église de la perruche. C'est vraiment quelqu'un que j'ai envie une fois de rencontrer en interview. Hein. Franchement. Ça doit être assez. Personnage. C'est vraiment rare qu'on retrouve encore des. Des gens comme ça. Ouais. Ouais, qui dépassent un peu leur musique et. Voilà, ils créent un univers. Alors. Soit ils sont masqués, ils s'appellent Goat et. Bah ouais, il y a plein de mystères, mais à un moment donné, le mystère, c'est le mystère. C'est ça. Soit eux, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de masque ni quoi que ce soit. C'est bien frappé et en même temps. On sent quand même qu'il y a une conduite quasi derrière. C'est vraiment très ça. Très drôle, quoi. Je prendrais vraiment plaisir à rencontrer Madame Claude. Apparemment, c'est. Même personnage. En interview, c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage. Donc voilà, si vous êtes adepte de l'église de la perruche, vous pouvez nous en parler. Ah bah ouais. Parce que je ne connais pas du tout. Faites-nous signe. Venez nous en parler au micro. Mais voilà. Voilà, on lance un appel. Allez, deuxième extrait pour cet album Science Nouvelle. On va écouter I'm an ID. We'll be right back. Un petit détour du côté de Berlin, où on retrouve un groupe franco-allemand qui s'appelle Apostrophe. On a déjà évoqué ici leur album éponyme il y a 2 ans, je pense. Maintenant. Ouais, un truc dans le genre. Hein, ouais. De bonnes années. Et ils reviennent donc avec un 5 titres à la rentrée qui s'appelle Sunshine Peace. Extrait de cet album, on écoutait The Body Will Sing Again avec une pochette très très glamour. Un peu Hitchcockienne comme ça, un couple qui s'embrasse sous la pluie. C'est joli comme tout. C'est mignon. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Bon. Allez, fil rouge. Le fil rouge. On continue avec David Bowie. On se retrouve en 1980. Deep. Donc après sa période de Berlin, avec l'album Scary Monsters. And super creeps. Voilà. Où on retrouvera bien sûr Ashes to Ashes. Ah. Forcément. Voilà. Ah. Qu'on écoutera juste après, ne t'inquiète pas. Ah. Et où il va travailler surtout avec Chuck Hammer, le guitariste synthétiseur qui fera un peu de l'architecture synthétisée, on va dire ça comme ça. C'est ça. On va dire ça comme ça. Et surtout qui fera partie du mouvement underground du New Romantique, mm-hmm. on appelait à l'époque, et qui va se rendre en fait dans un club de Londres qui s'appelle le Blitz. Mmh. Et il va rencontrer là-bas Steve Strange. Mmh. Ah, mais tout est dans tout. Tout est dans tout. du groupe Visage. Mmh. Souvenez-vous du Visage, Fade to Grey et tout ça, tout ça. We Fade to Grey, Fade to Grey. Alors qu'il va surtout l'accompagner dans la vidéo de Ashes to Ashes. Et ce clip en fait va être considéré comme l'un des plus innovants de tous les temps. C'est vrai. Voilà. Après, bon, il a déjà été vu 1000 fois, donc si pas 2000 fois, mais c'est vrai. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En 1981, Bowie va faire un grand duo avec Queen. Tout le monde se souvient. Mm-hmm. Under Pressure. Under Pressure. C'est ça, c'est ça, voilà, tout à fait. Et le morceau qui atteindra forcément la première place dans pratiquement tous les hits, en tout cas, en Europe. Et il sortira également un EP, David Bowie in Detroit Beach Ball, voilà, en 1982. Ben ouais. Qui à la base était un single et finalement qui sortira en EP 4 titres. Mmh. Voilà. Alors pour l'album Scary Monsters, on va forcément écouter. Ça doit être probablement quand Bowie est décédé, ça doit être probablement la chanson qui est plus passée en radio cette journée-là. C'est possible. Bowie, Ashes to Ashes. Il y a des forcément, il venait de décéder. Donc, et sérieusement, hein, ouais, moi j'ai entendu ça, mais. Sur plein de radios, dont ici, oui. Ce qui est un petit peu normal, oui. Mais, normal. Mais partout, j'ai entendu dans plein de radios. Tain, voilà quoi. Bon, allez. Donc, Ashes to Ashes, David Bowie. Un peu de respect, tout le monde à la main, s'il vous plaît. Ashes to ashes. bucket. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Le petit rendez-vous des musiques bruyantes et agitées en compagnie de Korenko.fr, qui est un webzine avec plein de bénévoles qui vous parlent gentiment de musique un peu bruyante. Un peu. Hein. Et quand je dis gentiment, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai, évidemment. Les petits news, évidemment, de la semaine. Metz Fête qui dévoile un nouveau clip. Ils sont originaires de Lyon. On planche dans le metalcore façon milieu des années 90. Mm-hmm. C'est marrant, hein. Ouais. Ils suivent Engage et tout ça. Ils sortent un premier clip pour le morceau A Home From All. C'est bien foutu, franchement. Et il y a un EP qui devrait sortir normalement fin de ce mois-ci. Ça sent le travail bien fait quand même. Hein. L'ambiance et tout ça. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Dans les petites news, le temps que ma page s'actualise parce que tout d'un coup elle ne s'actualise plus. Ça arrive évidemment, c'est toujours comme ça. La technologie. La technologie. Nous sommes tous extrêmement dépendants de la technologie. Derange qui va sortir un nouvel album, ça va s'appeler Strength by a Murderous Siege. C'est sorti d'ailleurs et il y a des liens qui vous permettent d'écouter ça évidemment. Rayon Doom, un petit peu profond comme ça. Junior Bruce. C'est pas un groupe reggae, hein, du tout. Non, non, ça aurait pu, ça aurait pu. Un vrai groupe doom, ouais, bien, bien sauvage, qui sort un album chez le label A389. L'album s'appelle Endless Descent et il y a un premier extrait qui est en écoute qui s'appelle 13 Zeros. Je vais arriver. Korn qui n'en finit plus de clipper son nouvel album toutes les semaines. Les morceaux seront clippés avec eux, je pense bien. Après, ils feront un DVD, machin, avec les making-of et tout, peut-être. Ouais, peut-être. J'en sais rien. Take Me, donc, extrait de ce nouvel album. Je n'ai absolument rien écouté de nouveau. Bah, à part le premier morceau qui était sorti, qui était plutôt pas mal. Ouais. Ça, on disait, allez, ouais, Korn ici, ça y est, ils sont réveillés, mais finalement, non. Non ? Non. T'as écouté un petit peu l'histoire ? Non, c'est le seul morceau valable, je pense, de l'album, en tout cas. Bon. Voilà, c'est pour une... Je ne sais plus comment il s'appelle, hein, ce morceau. Souvenez-vous, Beatles, Rolling Stones, Oasis, Blur, certains pourront dire Ministry, Nine Inch Nails. Mm-hmm. Et donc, si je dis Korn, après, je dis derrière. Je réfléchis. Deftones, bien sûr, oh, je... qui a annoncé une tournée européenne. Ça sera pour l'année prochaine, évidemment. Ils vont venir à Paris. Il y a eu des concerts annulés, évidemment, bah, suite aux événements, notamment du Bataclan. Hein. Il y aura bientôt un an. Ils vont venir bien l'année prochaine. Et puis voilà, ils se murmurent quand même une tournée qui sera assez conséquente et qui ne fera pas que les festivals. Là, on pourrait les attendre. Donc, c'est plutôt sympa de retrouver Deftones un petit peu tout partout. Ouais. Pourquoi pas ? Allez, on en a parlé il y a peu de temps finalement. Mais bah oui, tout le continue. Tout le travail toujours sur un. Nouvel album à venir, on ne sait pas quand. Ça fait un an qu'il travaille sur un nouvel album. Un syndrome, à mon avis, Chinese Democracy, vu chez Guns N' Roses. Ça va être ça. J'espère que l'album va être monstrueux. Ouais, j'espère aussi. Ils étaient à un concert et puis Danny Carey souffrait d'une infection malgré tout. C'est le batteur et malgré tout, il a refusé de ne pas assurer le concert. Et donc, il jouait malade comme un chien. Il y a des photos qui circulent pour ceux qui aiment bien les machins. Voilà, c'était des nouvelles, des états de santé. En parlant d'état de santé, eux, ils ont toujours la pêche, évidemment. Ils vont sortir prochainement un EP qui s'appelle The Smoke Clears. Il y a un morceau qui est en écoute qui s'appelle Black Venom. C'est le retour des hardcoreux de Sicko Vitale. Eh ben. Qui n'arrêteront jamais, non, évidemment. Donc voilà, c'est bien. Eux, ils sont super drôles. The Dillinger Escape Plan. Donc ils ont annoncé un dernier album. Ils ont annoncé que le chanteur était parti. Ils ont annoncé que c'était fini. Oui. Et donc, depuis, on en parle toutes les semaines, évidemment, puisque Dillinger Escape Plan a joué avec Dimitris Maniakakis, mm-hmm. qui n'est pas un joueur de foot. Vu chez Zulto Agang. Un joueur de tennis. Vu chez Zulto Agang, mais pas du tout. Non. Dimitris Maniakakis est bien le premier chanteur historique de Dillinger Escape Plan. Et donc, un récent concert, il s'est dit, tiens, j'irais bien chanter, vu qu'avant, je chantais chez eux. On rappelle que leur chanteur s'est barré. Ah, voilà. Et donc, que leur premier chanteur est venu comme ça faire une pige. Et ils ont dit que, voilà, dernier album, on termine les concerts, il n'y aura plus rien, on arrête. Mais malgré tout... C'est la deuxième fois qu'il nous faut le coup, donc... Voilà. Et bon. Bon, moi, j'ai rien dit, mais je suis content que tu es là. Tout ça, tu l'as dit. Bon, ça leur irait bien, évidemment. Stupid Karaté, c'est le nom d'un groupe de punk lillois. Ça sent aussi, là... Le travail bien fait, et puis en bon esprit, en grand artisanat évidemment. Smell like peace spirit. Oh, oui. Fallait bien un jour qu'un a qu'il fasse. C'est fait stupide karaté. Et donc c'est un clip qu'on peut retrouver pour ce groupe lillois qui est évidemment plein d'humour, bien sûr. J'imagine. Vous pouvez en être autrement. Allez, les choses sérieuses, ça sera probablement pour janvier. On annonce un album assez monstrueux, il va s'appeler Machine Messia. Faudra suivre ça, c'est produit par Jess Brogan de Amon Amarth quand même, donc on est dans le solide, il va comporter 10 titres de qui je parle évidemment, du retour de Sepultura, avec un album donc qui s'annonce déjà très fumant, Machine Messia, à suivre évidemment. Ils sont partis dans un trip à voir les titres et tout ça, un peu cyber machin, dus ou quoi. Ouais, zombie, Rob Zombie quoi. Je ne sais pas, ou bah, probablement plus Fear Factory, enfin faut voir. Quoi. À voir. Voilà, à voir. Ils avaient déjà, notamment en parlant d'eux, repris Ministry, hein, donc on est plus après. Et Prodigy aussi. C'est donc, vrai, ouais, pourquoi ouais, pas. Ouais, oui, c'est le mélange pourquoi des deux pas. En fait. Voilà. Les petits gènes de Creator qui reviennent évidemment avec un album qui s'appelle Gods of Violence. Bah, rien de nouveau dans les deux bacs, ça sortira le 27 janvier prochain. On se titre trash bourré jusqu'à la gueule. Ça va piquer derrière les oreilles, c'est un petit peu normal. Avec Creator, l'album chroniqué retenu pour cette semaine, c'est le retour des Américains de Candiria, qui ont eu mais plein de vie. Hein. Groupe new-yorkais qui a démarré au milieu des années 90. Pour résumer très brièvement, bah, leur carrière s'arrête parce qu'ils sont victimes sur l'heure d'un grave accident. Où bah voilà, leur machine est cassée, enfin, leur véhicule est cassé, mais eux sont blessés et tout ça, enfin, avec des séquelles, etc. Il y a un arrêt, et malgré tout, bah, ils s'y remettent, et ils reviennent donc en 2016 avec un album qui s'appelle While They Were Sleeping. On est dans un registre assez large qui brasse entre le hardcore, la prog, mm-hmm. et quelques incursions de jazz. B. Ouais, ça va vraiment dans tous les sens. Album qui sort chez Metal Blade Records, Candiria, While They Were Sleeping, c'est le nom de l'album. Et on va écouter bah, le single qui annonce cet album qui s'appelle Mereia Candiria. I'm FM. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. It's such a cold, cold world. It's a bold, bold world. Yeah, people that don't dig people are drag. Right on. People moving out, people moving in. Why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, sister, rap on. Well, the only person talking about love, thine brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregate, segregate, determination, determination, demonstrate, demonstrate, obligation to our nation. Well, that's what the world is today. Yeah, yeah. The sale of pills are at an all-time high. Young folks walking around with their heads in the sky. City's aflame in the summertime. Revolution, gun control, sound of soul. Shooting rockets to the moon. Kids growing up to soul. Politicians say more taxes will solve everything. Well, and the band play on. Yeah. Allez, le petit morceau groovy du soir. The Undisputed Truth, Ball of Confusion, c'était sorti en 1971. Terrible. Terrible ce morceau. Terrible, terrible, terrible. Oh. Ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, allez, le petit vinyle qui craque. Allez. Le vieux machin. Vieux machin dont tout le monde a oublié, mais bon, si, si, il y en a quand même certains. D'autre côté, je suis sûr qu'ils se disent « Ah, mais... » Ben ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et donc, un mais c'est vrai, on est parti sur un groupe projet qui n'aura pas grande vie, qui s'appelle The Assembly. Ça ne veut rien dire du tout, ça, à mon avis. Hein. Qui a existé comme ça en 1983, avec sur foi d'un seul single, évidemment. Oui. C'est l'histoire, évidemment, derrière qui est intéressante. C'est le groupe qui se forme à Basildon. Comme un certain Dépêche Mode, par exemple. Ah, voilà. Tu vois Et derrière The Assembly, on retrouve notamment un certain Vince Clarke qui tenait les claviers dans Dépêche Mode. Ouais, ouais. Et puis Vince Clarke va faire un autre projet un peu plus connu qui va avoir pignon sur rue, qui s'appelle Yazoo, avec Alison Moyette au chant. Et il va sortir en 1983. Un album qui s'appelle You and Me Both et Yazoo, ça va cartonner, ça va tout péter. Malgré tout, c'est pas suffisant pour Vince Clarke. Et donc, il crée juste à côté, alors qu'il est en pleine bourre, un autre projet qui s'appelle The Assembly. Et qui va vivre vraiment sur un single qui s'appelle Never Never, où il fait rien du tout là-dedans. Super. Puisque à la prod et au voilà aux manettes, on va dire, même à l'écriture, c'est un certain Eric Radcliffe, inconnu au bataillon. Et au chant, c'est Fergal Sharkey, plus connu dans le groupe plutôt post-punk, un peu pop, d'Undertones, voilà, une tête pas possible et une voix pas possible, vous allez vous en rendre compte. Et donc, j'ai sa tête juste en face de moi, en effet. Fergal Sharkey, bah ouais, évidemment. Et donc, Vince Clarke va se faire un petit peu de thune avec ce projet fantôme qui n'a pas trop lieu d'être. Et la blague va durer un petit moment, puisque en mai 2011, ils vont se réunir pour l'anniversaire du label Mute Records. Et là, Clarke va quand même jouer un peu la musique de ce fameux Never, Never. Attention, ça craque, hein. C'est d'époque, pour vous dire. I know just what to say, it's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you, I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me, it never happens to me. It's the way my life was meant to be. It never happens to me, it never happens to me. Happens to me. I know my every line, it's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, it all worked out. Never happens to me, it never happens to me. It's the way my life was meant to be. It never happens to me, it never happens to me. Love's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. Thank you. what to say. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you. I guess you always knew. Still, I'm left all alone. I know the story, but it all worked. One line. One line. The paper. The sound. Books on the Radio. Books on the Radio. On va partir en Italie. Mm-hmm. Cette fois-ci, pas pour l'histoire, mais en tout cas pour l'auteur Valentina Giambanco. S'il vous plaît. Voilà, qui a écrit 13 jours, qui est son premier bouquin. Mm-hmm. Valentina Giambanco, qui est plutôt connue en fait dans le cinéma, puisqu'elle a notamment participé au scénario de 4 mariages et un enterrement, ah par bon exemple. Voilà. N'a rien à voir avec un thriller. Non, parce que normalement, 9h, c'est l'heure du thriller. Hein. C'est ça. Mais c'est un thriller, je vous rassure. Bon. Voilà. 13 jours se passent à Seattle, mm-hmm, dans une petite bourgade, où on retrouve un père de famille, James Sinclair, sa femme et ses deux enfants, tués sauvagement. Mm-hmm. Avec un mot du tueur écrit au-dessus de la porte de la chambre, où il est noté 13 jours. Bon. Voilà. Mmh. La famille a les yeux fermés, a une croix écrite sur le front. Ouais. Et c'est la jeune Alice Madison qui vient à peine de rentrer en fait à la brigade criminelle, qui va devoir s'occuper de ce meurtre, enfin de ces meurtres même, avec son coéquipier qui est Brown, qui est beaucoup plus vieux que lui et qui est assez connu dans le domaine en fait des homicides. Mmh. Et la première chose qu'ils vont se rendre compte, c'est que James Sinclair a été victime d'un enlèvement quand il était plus jeune, mmh, avec deux de ses amis. Mmh. Ils ont été attachés dans une forêt, à un arbre, chacun à un arbre. Et l'un des trois jeunes va mourir, mmh, puisqu'il avait un problème cardiaque. D'accord. Voilà, donc il va suffoquer. Ils avaient 10-11 ans à l'époque. Mmh. Et l'un est mort, son frère est avocat, mmh, Nathan Quinn, et forcément, lui est l'avocat de la famille Sinclair. Donc bien, la police va se retourner vers lui pour avoir un peu d'informations sur la famille Sinclair, vu qu'il était un ami proche. Mmh. Et surtout, ils vont essayer de rechercher le troisième garçon qui a été enlevé à l'époque. Tu me suis toujours. Je te suis. Qui va être très vite accusé en fait du meurtre de la famille Sinclair. Ah, jeu de piste avec des faux semblants alors. C'est ça. Cameron qui est en fait insaisissable, mm-hmm, puisqu'il n'a pas d'existence vraiment connue. La seule photo qu'on a de lui, c'est quand on l'a arrêté à ses 17 ans pour conduite en état d'ivresse. Mm-hmm. Et personne ne l'a vu depuis. Est-il vivant, est-il mort? Il est vivant, pas de soucis. Il est bien vivant et il est accusé en fait d'un meurtre horrible qui s'est passé quelques années auparavant, sur un bateau où des dealers et des flics corrompus ont été tués à coups de couteau. Et depuis, il est recherché en fait pour ses meurtres et on va retrouver des cadavres en fait derrière lui. Mais à savoir, est-ce que c'est lui qui a tué son ami et sa famille? Ouais. Telle est la question. Bien. Voilà. Mystère sur une couche de mystère. C'est ça. Ouais. Alors on passe entre le passé et le présent. Tout se relie en fait, du début à la fin. Il y a des parties un peu plus, on va dire, chiantes. On va parler comme ça. Il n'y a pas énormément de rebondissements. C'est assez linéaire. Ouais, sauf à la fin. D'accord. Voilà. La fin est plutôt surprenante, mais c'est assez linéaire. Il ne se passe pas énormément de choses, en fait. C'est des couches sur des couches sur des couches. Ouais, c'est quand même un gros bouquin. Ben ouais, c'est ce que je suis occupé de voir. Ça met du temps à lire, franchement. C'est pas le bouquin, tu t'arrêtes à un chapitre et tu te dis vite, je veux savoir la suite. Pas du tout. Donc c'est un livre à lire quand vous avez le temps. Ouais. Voilà, et faut pas s'attendre à un grand livre à vous tenir en haleine. Là, le postulat de base est donc ce qui nous fait rentrer dans l'aventure, à savoir ce meurtre assez horrible et tout. On y croit, on y est, ou bien... Ouais, si, on y est totalement. Il y a assez d'éléments quand même, quoi. Oui, maintenant, il y a quelques petits rebondissements, mais on se doute un petit peu que les policiers font fausse route, en fait, dès le départ. Ouais. Parce que c'est trop facile. Voilà. C'est simple que ça, c'est trop facile. Ou alors, t'as lu trop de thrillers. Aussi, sûrement. Pourtant, ça a été considéré comme, en fait, un best-seller en Italie. Je m'attendais quand même à mieux. Valentina Giambanco, c'est son nom. Ouais. Ça s'appelle 13 jours. Est-ce qu'on retient des personnages qui nous donnent envie de faire connaissance en vrai, ou bien personnages qui sont un peu lisses aussi? Non, il y a l'énigmatique John Cameron qui est poursuivi, qui est un personnage très mystérieux et très intelligent. D'accord. Et c'est vraiment le personnage, c'est pas le personnage central et pourtant ça pourrait. Voilà. Bon, c'est peut-être pour une prochaine aventure alors. Voilà, sinon Alice Madison, le personnage en fait, l'inspecteur, qui s'occupe, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance et quand on lit ce qui s'est passé, finalement tu dis ah ouais, c'était que ça. Voilà, c'est... non mais c'est vraiment ça. Enfin voilà. Bon. Assez... Mitigé, quoi. Mitigé, ouais. Entre 6,5 et 7 sur 10, allez. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. En gros. Je te donnais des notes au bouquin, même. Je sais pas. Bon. Allez, 13 jours, Valentina Giambanco. Ouais. C'était sorti chez Albin Michel en 2014 et début de cette année en livre de poche. Ouais. Et qui est conséquent, hein. Moi, j'ai en face de moi, là. 670 pages, plus ou moins. Évidemment, ouais. Vous le voyez pas, puisque... Vous êtes derrière le poste, mais moi je peux vous dire que c'est assez conséquent. Ouais. Vendredi 11 novembre 2016, les Belges de Missiles of October vont faire la fête au Magasin 4 à Bruxelles pour la sortie de leur album. Et puis ils ont convié quelques invités, voilà, pour faire un petit peu de bruit avec eux, notamment Galvanize ou encore Grande Nationale, mais... Surtout, ça nous intéresse, Membrane et Révoque qui vont accompagner le groupe, le trio belge. Membrane et Révoque qu'on retrouve en face A et en face B d'un sublime hommage au Cure. Oui. Voilà, bon là ça sent un peu le fan qui cause, mais bon, tant pis, ça sort chez Musique for Satan, mais aussi plein d'autres gens qui se sont liés pour mettre ça en forme, un petit, sous forme d'un petit 7 pouces comme ça. Une face Révoque, une face Membrane. Révoque s'attaque à 100 Years et Membrane s'attaque au fabuleux Burn qui ouvrait la BO de The Crow, qui est, même s'il n'est pas le plus, connu comme ça, le plus entendu, mais reste quand même... un des grands morceaux de Cure. C'est parti, Membrane. C'est fin de l'album de la semaine. Toujours avec Duchesse et Sailor, album Science Nouvelle, troisième album du groupe. Miam. À savoir qu'ils seront en concert pas très loin de chez nous. Ah. Voilà, à Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles, dans notre belle capitale. Au Botanique à la Rotonde, exactement. Ce sera pour le lundi 14 novembre. Tchuss. C'est-à-dire dans deux semaines. Ben, si c'est à Bruxelles, vendredi ou lundi au soir, il y a moyen. Je pense. Si, il faut aller faire la fête à Missile of October, Evoque Membrane, tout ça. Et puis aller faire les fous du lundi pour décompresser la week-end qui sera un peu bombé. Le lundi, ça peut être bien. Je pense. Ah voilà, en plus c'est le 11 novembre juste avant. Donc, travaille trop en fait. Ça doit être ça. Donc profitez-en si vous êtes dans le coin, à mon avis, allez-y. C'est un concert à voir. Allez-y. Allez, dernier extrait pour cet album Science Nouvelle, Duchesse 16. On va écouter The Family Physicians. RQC 95 FM.

Only the Good Die Young pour introduire l'archive du jour consacrée à un album maudit qui s'appelle Beat Boy, qui est le troisième album pour le groupe anglais Visage. Visage Fade to Grey. Alors c'est marrant hein, parce qu'on ne s'était pas consulté, mais effectivement c'est aussi l'affaire d'un bonhomme qui s'appelle Stephen Strange, qui donc effectivement a collaboré un petit peu à Schisto à Schist de Bowie, entre autres. Beat Boy sort le 22 octobre 1984, donc en fait déjà les 32 ans de ce disque évidemment. C'est l'album qui va précipiter la chute du groupe Visage. Visage qui a sorti deux albums auparavant qui ont plutôt bien marché. On est dans les années 80, il y a un son très années 80. La jeunesse de cet album, c'est que Strange décide, et c'est ça l'ironie de l'histoire évidemment, de sortir de son studio et de plutôt se laisser aller à faire un album façon groupe plutôt que lui dans son coin. Et donc il va réunir plein de gens autour de lui, dont par exemple Billy Currey qui fait les claviers chez Ultravox. Ouais. Voilà. Ou Rusty Egan, pour ceux qui ne savent plus trop qui est Rusty Egan, c'est un bonhomme qui a notamment été premier batteur chez les Sex Pistols. D'accord. Voilà. Et qui fera quelques piges, par exemple, chez les Misfits pendant tout un temps. Donc rien à voir. Rien à voir avec Visage. Rien du tout. Il se réunit avec ces gens-là et puis il décide de travailler sur cet album qui rapidement est pris en main quand même par Strange, qui veut donner une autre orientation. Il y a un peu plus de guitare, il y a un peu plus de son un peu pompier. Il y a notamment, et on l'a entendu sur la fin de ce disque, une grande participation de Gary Barnacle. Si on ne connaît pas Gary Barnacle, c'est un grand saxophoniste qui a accompagné plein de gens dans sa carrière, notamment Level 42, Polar Castle, Kim Wilde, les Frankie Goes to Hollywood, Elvis Costello, Del Amitri, Roger Daltrey aussi quand il s'est lancé en carrière solo, ou encore évidemment saxophoniste préféré d'un certain David Bowie. Bah ouais, forcément. Il revient tout le temps, cet homme-là. Ça devait arriver. Et donc, il se dit, voilà, moi, je suis super bien entouré. J'ai fait un carton avec Beat Boy. Et bam, ce qui arrive doit arriver. L'album se fait descendre. C'est méchant. Et en même temps, ça donne aussi une idée de l'évolution. Hein. Je rappelle qu'on est en 84. Et donc, dans les sons de ce qu'on a entendu, on pourrait croire que ça passe bien. Pas du tout. Ça sort et c'est tout de suite estampillé comme un subtil mélange pas réussi d'Eurodisco et de Queen. Voilà, c'est ce qu'on met derrière. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'album a été enregistré au Trident Studio, qui est le studio de Queen, simplement. Et à Queen, on reproche évidemment ceux qui adorent Queen pour la grandiloquence et un peu tous les effets qu'il y a derrière, évidemment. On le reproche chez Visage, où on est très loin du minimalisme à la Fade to Grey, bien évidemment. Mais le gars en avait un petit peu marre de faire du Fade to Grey à toutes les sauces, donc voilà. C'est un petit peu le gros problème de ce disque, qui n'est pas du tout compris, qui n'est pas du tout perçu comme il aurait voulu. Stephen Strange est un bonhomme assez compliqué, et en même temps c'est pas n'importe qui. Effectivement, très jeune, il démarre sa carrière comme portier à une boîte qui s'appelle Le Blitz, on en a parlé tout à l'heure, et il deviendra copropriétaire du Blitz. Et donc il va faire jouer plein de groupes chez lui, ça c'est plutôt sympa. Il va bien sûr faire son caméo et son rôle dans Hachiste ou Hachise, espèce de clown un peu triste là derrière. C'est dans cet endroit que le mouvement nouveau romantique, New Romantics, va voir le jour, notamment avec Spandau Ballet ou encore Mitch Ayer qui va y mettre du sien. C'est le local de répète du groupe Magazine, c'est là où vont... se crée au fond de la salle un certain groupe qui s'appelle The Bad Seeds, ouais. Sous l'impulsion de Nick Cave et Barry Adamson, et tout ça sous les yeux de Stephen Strange, évidemment. c'est le super groupe Visage, tout un moment, puisque tous ces gens sont occupés à faire de la musique, hein, je l'ai dit, hein, Billy Currie pour Ultravox, Rusty Egan, bah, il traîne notamment avec Peel, avec John Lydon évidemment, puisqu'il a traîné chez les Pistols, Barry Adamson bien sûr les Bad Seeds, bah, Magazine évidemment avec John McKeough, ou encore Siouxsie de Banshee. Tous ces gens-là se retrouvent chez lui, tous ces gens-là participent de près ou de loin aussi à Visage. Ouais. Et même si c'est Stephen Strange qui met un peu sa bobine tout partout, et c'est de lui qu'on retient, on retient le groupe, eh ben, faut savoir que c'était en fait un super groupe Visage, avec plein de gens dans plein de groupes très différents qui ont décidé de faire quelque chose. Et quand lui va se décider à se lancer tout seul, bam, c'est terminé. Stephen Strange va décéder le 12 février 2015 à Sharm el-Sheikh en Égypte d'une insuffisance cardiaque, un petit peu abandonné, et là c'est aussi l'ironie de l'histoire, d'approprier tous les gens qui l'ont entouré tout un moment, hein, évidemment, tous ses amis qui ont tourné autour de lui, vont le laisser tomber tout simplement, et puis lui il va s'exiler. Alors c'est pas non plus le bonhomme le plus sympa du monde évidemment, hein, puisque si Fate to Grey ça a été super connu, la chanteuse de Fate to Grey, Brigitte Arendt, n'a même jamais été créditée une seule fois dans la chanson, alors que quand même, bon, ah ouais. Voilà, ça c'est un peu ça. Visage, c'est un groupe qui était né en 1978, ça date quand même, et Fate to Grey, c'est novembre 1980 que va voir le jour, en tout cas, ce morceau. Voilà, c'est un petit peu la story pour la fin annoncée, sans le vouloir, de Visage, avec cet album Beat Boy. On retrouve, allez, le titre un peu queenesque de l'histoire. Mon Dieu. Casualty, c'est parti. Life is just a game. Années 80. À fond. Ouais, pas de soucis, c'est bien les années 80. Allez, nouveauté. Nouveau. Attends. Ouais, je veux. Tu dois le dire à l'avance, parce que moi, je ne sais pas prévoir comme ça, quoi. Nouveau. J'étais plongée dans ma lecture. Hein. Désolée. Duo. Mm-hmm. Arnaud Rebottini. Ah, bien. Vous voyez. Bien, bien. Et Christian Zanesi. Je connais pas. Ex-directeur du groupe de recherche musicale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui est très connu dans son domaine et qui a fait évoluer en fait la composition musicale moderne. Rien que ça. Rien que ça. Bon. Alors, ils viennent de sortir, enfin ils ne viennent pas de sortir, c'est sorti au mois d'avril. Mmh. Et je pense qu'on est passé un petit peu à côté. L'album s'appelle Frontières. Mmh. C'est sorti chez le label La Baleine. Mmh. On s'en souvient, on a plusieurs choses là. Et ils ont décidé de faire un duo plutôt électro-cold wave. Bien. Et là, vous avez 8 minutes pour en profiter. Bon. Les morceaux s'appellent tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you. C'est le mot. Alors là. Ouais. Hein. Huit minutes intenses. Arnaud Rebottini. On est parti là. Zanesi. On est parti pendant 8 minutes. Ouais. Non, quand même. Pour 8 minutes. C'est ça. Extrait de l'album Frontières, on écoutait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, t'adores. C'est très fort. Moi, j'adore ça. C'est ouais, non, fort. C'est particulièrement fort, effectivement. Particulièrement fort, ils le seront aussi. Ils sont en concert demain à l'ancienne Belgique. Ils arrivent sous l'étiquette Experimental Rap Met Peu Quantitude, comme ils disent en Maya. Flamand. Hein. Et donc, c'est du rap expérimental avec un peu de punk dedans, voire même beaucoup d'indus, quand même. Hein. Ouais. Ça passe dans tous les sens. Groupe formé en 2010. Ils vont choisir de sortir des morceaux voilà, gratos, un petit peu pour tout le monde, pour se faire connaître. Et puis, quand ils vont signer en 2012 chez Epic Records, qui est quand même un gros label et grosse maison, ils vont continuer à distribuer leurs morceaux gratos sur Internet, les paroles et tout ça. Ils s'en foutent complètement. Ils vont notamment prévoir des concerts et ne pas venir le jour même. Du coup, le public va un peu péter les câbles, etc. Le groupe qui s'est séparé, qui s'est réuni, qui s'est reséparé et qui est donc réuni pour demain. Le groupe s'appelle Death Grip. On en avait parlé à l'époque. Hein. On est quand même dans du sauvage. Et pour moi, ce qui reste quand même la chose la plus intéressante qu'ils aient faite, bah, c'est cette fausse compilation, vrai album, Ex Militari. Sorti gratos sur toutes les plateformes de téléchargement en 2011. Petit souvenir, ça s'appelle Guillotine. Sitting in the dark and ponder how I'm fit to make the bottom fall through the floor, and they all fall down. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Yeah. Out of the shadows, barrage of witch tongue, cobra spit over apocalyptic cult, killer cauldron, smoke, stop music, seriously. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Can't stop the groove, looks jaws clear off them locks. Relentless rob movement for the knock. Me to that G-spot body rock connected to everything you want, ever did want. We got it, one knock, come get us to get in that hole and watch me drop this cold guillotine death sentence. Yeah. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, guillotine. Hidden all between and beneath every fragmented figure of speech. Time to reverse whenever the beat causes my jaws to call. Ow! Ow! Ow! Ow! The screen flashing red, can't see shit but head. Spinning exorcists like planets, out of orbit off the edge of my axis, ripping the doors to far more than all that's ever been said. Tie the cord, kick the gym and you're dead. Yeah! It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, guillotine! Guillotine! Head of a trick in a bucket, body of a trick in a bag, and thrown in the fire like fuck it, gotta burn it before it goes bad. But too many times been disgusted by the stench of rotting such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes. Serial number, killing machine, the illest of means. You an amp built on the filthy sound you're experiencing. Yeah. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Guilty! Windows bulletproof, the slipknot fixing rope to noose to the gravestone grinder of cold steel. The passing the blinds, we saw our fields. Yeah. They go to a flow through our veins, blows through our tunnels and rattles our chains. And they all fall down. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah morceau incroyable, Tension, Guillotine, Death Grip sur Ex Militaris, ça sortait en 2011. Vous pouvez encore retrouver ça un petit peu partout, hein, vu que ça a été sorti gratos. Et seront demain les Death Grip à partir de 19h30, c'est précis, à l'ancienne Belgique. S'ils sont là à Bruxelles. Je n'ose imaginer le plateau Death Grip avec Aurore. Bordel. Ça va être le bordel. Foutoir. Bordel total. Ça, c'est clair. Allez, morceau décroche, il est déjà l'heure. Mais de presque s'en aller. On va dire au revoir et on va faire comme ça. On peut faire ça. Allez. Puisque demain, vous le savez, c'est Halloween, la fameuse fête des monstres et tout ce qui va avec. En fait, qui n'a rien à voir à la base. Non, du tout. On fera une fois l'histoire. Ouais. Quand on aura le temps. Ouais, bah, qui... l'année prochaine, approche Halloween. Pourquoi pas. Bon. Qui de mieux pour représenter cette fameuse période que Monsieur White Zombie, Rob Zombie, voilà, son groupe White Zombie, extrait de l'album Astro Creep 2000, More Human Than Human. More Human Than Human. Et donc, quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudents, et à la semaine prochaine, et dans 15 jours, on a des invités. À ce qui paraît. C'est ça, hein? Ouais. On vous en reparle la semaine prochaine, bien sûr. Bonsoir. Ciao.